Les éditions de l'avenir présentent L'Estrade, agent très spécial par Christian Martin. Il parcourt toute la galaxie en quête du scélérat. Il affronte les bandes de malfrats en voie du pugilat. Il déteste les congés payés. Ce qu'il aime, c'est l'action. C'est pourquoi il est rassuré quand il voit son patron. L'Estrade, agent spécial. Il jubile, il frémit de joie quand il voit son patron. Il ramène toujours la rançon. Troisième épisode, le sanguin. Dans les précédents épisodes, L'Estrade, agent très spécial, est chargé de retrouver la fille du ministre des Finances de Trajan, qui a été enlevée en plein astroport devant plusieurs témoins. Son unique piste, la signature du propulseur du yacht ayant servi au ravisseur, le conduit à l'usine spatiale d'Issub, où il apprend que ce type de propulseur n'est vendu qu'aux chantiers spatiaux de Loupdox. Les s'y rend donc. Il rencontre Anta Zaidi, la directrice des ventes de Loupdox, ainsi que Yashim Brezhnev, un vendeur particulièrement collant. Antaza, qui trouve l'Est de son goût, accepte de lui communiquer la liste des clients qui ont acheté des yachts munis du propulseur spécial provenant d'Issub. Elle s'aperçoit alors que le fichier contenant l'information a été trafiqué. Il est seulement d'une maladresse monumentale, l'apprenti pirate. Seulement un amateur. Tu parles de qui, là? De celui qui a trafiqué la liste? Évidemment! De qui crois-tu que je parle, garçon? Ce sont les attentions de la petite sirène qui t'amollisse le cerveau? Très drôle. Qu'est-ce qui te fait croire que l'apprenti pirate, comme tu dis, est un amateur? Barbleu, garçon! Il a laissé ses empreintes partout. La date et l'heure de son forfait, le numéro du poste où il a opéré, et comme si cela ne suffisait pas, il a même oublié d'effacer son code d'identification. Tu sais donc qui a fait le coup? Mais oui, c'est ce que j'essaie de te dire, garçon. Alors ne reste pas là à nous faire languir. Dis-nous qui c'est. Yashim Brezhnev. Pas possible! L'avorton, le cancrelat, la punaise d'Iridis, me faire ça à moi! Oh oh, la sirène a disparu! Dans l'état où elle se trouve, je préfère ne pas la laisser seule avec Brezhnev. Elle est capable de le pendre par les pouces au mât de misaine. Rentre au coup de peau et prépare l'appareillage. Je t'y rejoindrai. Soit, garçon. Amuse-toi bien. Scélérat, chenille à poil, ver luisant. Je ne sais ce qui me retient de t'arracher les yeux. Mais, madame, mais... Il vaut sans doute mieux que j'intervienne. Pas que l'idée de venir en aide à Brezhnev me séduise. Mais il pourrait être intéressant de savoir pourquoi il a voulu altérer le fichier des ventes de yacht. Fils de putois Doris 7, cancrelat dégénéré, tête de suif, misérable et microscopique microbe maladif et malodorant, rejet rétrograde, traître! Antaza, du calme, du calme. Aïe! Bas les griffes, mademoiselle Ellie! Ça va mieux? Non. Ça viendra. Et maintenant, Brezhnev, nous allons avoir une petite conversation dans le bureau de Mademoiselle Ellie. Je n'ai rien à dire. Yakim ? Ce sera avec grand plaisir, Monsieur Strack. Ah, je savais qu'on s'entendrait. Après vous, cher ami. Alors, qu'avez-vous à dire, Brezhnev ? Pourquoi avoir trafiqué le fichier des ventes de yachts ? Je n'y suis... Yakim ? Je n'y suis pour rien, je vous assure. Je n'ai fait que suivre les ordres. Les ordres de qui ? Un monsieur très important. Mais encore ! je ne peux vous en dire plus. Yakim ? Il s'agit d'un des principaux actionnaires de Leptox. Qui est ce personnage important qui me vaut votre trahison, Yakim ? Madame, je ne peux pas vous le dire, j'ai promis. Si vous savez ce qui est bon pour vous, vous parlerez, mon petit Yakim. Non, non, je ne peux pas, je ne voulais pas, il m'a obligé. Qui ? Je veux son nom, Yakim ! Qui ? C'est la mère Michel qui a perdu son chat. C'est le pirate Maboule qui a perdu sa boule. Un barrage mental protégeait l'information, Antaza. Un barrage très solide. Brejnev a versé dans la folie plutôt que de révéler son secret. Il faut sans doute appeler un médecin. C'est triste. Rico, accompagnez Brejnev à l'infirmerie. Allez avec Rico, mon petit Yakim. Et maintenant, Les, vous dînerez bien avec moi. Je vous invite. Je savais bien que ça vous ferait plaisir. Quoi de neuf, Brown ? Mes limiers ont découvert un élément intéressant dans la vie privée de la fille du ministre. Finalement, tu avais peut-être raison en croyant que le kidnappeur pouvait être un ancien petit ami. Ah bon ? Oui. Il semble que la jeune Tnarshala soit un véritable bourreau des cœurs. Dans la liste des jeunes gens mis au rebut, il y a, entre autres, un certain Tsok Obileux, ancien camarade de jeu, fils de sa nourrice. Ils auraient été amants, à ce que l'on dit. Lui, très accroché, aurait juré de se venger quand elle l'a plaqué pour un autre. Ça se passait quand ? Attends voir. Un peu plus de 4 ans. 4 ans ? Tu ne trouves pas que l'incident date un peu ? Si ce Tsok avait vraiment voulu faire du mal à la petite, il s'y serait pris avant aujourd'hui. Peut-être n'en a-t-il pas eu l'occasion ? 4 ans, Brown, pense-y. Tu n'as rien d'un peu plus récent ? J'en ai 4 pages, Les. Tout un tas d'amoureux délaissés. Tu les veux ? Sans façon, je les laisse à tes limiers. Dis, elle fréquente quelqu'un présentement ? Ça m'étonnerait. Pourquoi donc ? Parce qu'on vient de la kidnapper. Très drôle. Tu n'as aucun sens de l'humour. Si, mais il ne s'active que lorsque j'entends quelque chose de marrant. Bon, si tu le prends ainsi, pour répondre à ta question, la petite fréquente... Oh oh ! Quoi ? Devine un peu qui est son amant du moment. Comment veux-tu que je le sache, Brown ? Allez, accouche ! Tu vas rire. La liaison est très discrète. Le type est en sous contrat, déjà avec une partenaire... Quand tu te seras décidé, tu me rappelleras. Attends, c'est Davernis. Cristobal Davernis ? Le gros industriel trajanais ? Le bonhomme sur lequel enquête le ministre ? Lui-même ! Eh bien ? J'ai bien reçu ton rapport sur ton passage à Lubdok. Gus et toi, vous avez fait du bon boulot. Merci, chef. À votre soin, mon amiral. As-tu une idée de l'identité de la personne qui a ordonné au vendeur d'altérer le fichier ? Aucune. Je voulais justement te demander de jeter un coup d'œil de ce côté-là. Il sera sûrement facile à tes limiers de me fournir une liste des principaux actionnaires de Lubdox. D'après Brejnev, l'un d'eux serait le coupable. Entendu. J'imagine que vous êtes présentement en route pour Gueuse ? En effet. Peux-tu aussi fouiner du côté du contratula ? J'aimerais savoir à qui j'aurai affaire. D'accord, Les. Rappelle-moi en arrivant sur Gueuse. J'aurai du nouveau pour toi. Oh ! En passant, quand tu seras là-bas, prends garde aux morsures. Il paraît que les Gueusois ont les canines effilées. Nous voici en vue de Gueuse, garçon. Très bien. C'est le moment de rappeler Brown. Brown Yehet ? Brown, je te rappelle comme convenu. Nous sommes en vue de Gueuse. Tu as du nouveau pour moi ? Oui, une. Cristobal Davernis fait partie des principaux actionnaires de Lubdok. Décidément, où que nous nous tournions, nous tombons sur le nom de ce type. Je sais à quoi tu penses, Les. Tu crois que Davernis a kidnappé la fille du ministre? Avoue qu'il y a de quoi y songer. Il a un mobile. L'enquête du ministre. Les moyens, il est riche à craquer et a eu de multiples occasions. Il est l'amant de la petite. Je te l'accorde. Il a aussi un alibi en plastométal renforcé, mon vieux. Il se trouvait hors planète, sur Nuv, à l'ambassade du Tatch, au moment de l'enlèvement. 350 ambassadeurs, ambassadrices et autres gratinés en tout genre sont prêts à le jurer. Si tu le dis... Bon, je fais ma petite enquête et je te rappelle. Si tu as du nouveau, fais de même. Entendu. Posons-nous, Gus. L'astroporte a communiqué les coordonnées d'atterrissage? Oui, garçon. Parfait. Il fait nuit? Quelle heure est-il ici? 2h10 et 28 secondes, garçon. Foutu décalage horaire. Avec le temps, ça me tuera. Capitainerie de l'astroport de Gueuse. Que puis-je faire pour vous? C'est pour une information. Pouvez-vous me dire si le sanguin est rentré au bercail? Le sanguin est présentement au hangar Zeta Zeta 14. Depuis quand est-il de retour? 20h et 16 minutes, temps standard. Bien, merci. L'enlèvement de la fille du ministre a eu lieu vers 10h, temps standard. Les ravisseurs ont donc rallié Gueuse en 4h environ. C'est rapide, garçon. Trop rapide pour qu'ils aient eu le temps de faire escale quelque part pour débarquer le fruit de leur rapt. En effet, si T'Narchalaval a bien quitté Trajan à bord du sanguin, elle doit se trouver quelque part sur Gueuse. Il ne te reste plus qu'à découvrir où, garçon. Plus facile à dire qu'à faire. Il paraît logique de débuter les recherches du côté du sanguin. Cela me permettra de m'assurer que la victime a bien voyagé à son bord. Et puis, qui sait, peut-être s'y trouve-t-elle encore. J'en doute. À vrai dire, moi aussi. Bon, tiens le fort, vieux pirate. Je passe dans mes quartiers pour m'équiper. Compris. Voici mon turbo. Un seul occupant, un gros astro, chauve aux yeux bridés et paraissant ivre mort, qui ronfle sur une banquette. Tant mieux. Moins j'aurai de témoins dans ma petite excursion nocturne, mieux cela vaudra. Secteur Gamma, Doc, Alpha 17. Personne sur les talons, rien de suspect. Bon, appelons un autre turbo. Secteur Alpha, édifice administratif de l'Astroport. Toujours rien de suspect. Je crois avoir suffisamment brouillé les pistes. En cas d'enquête, on aura bien du mal à remonter jusqu'à moi. J'appelle un dernier turbo qui me mènera à ma destination finale. Secteur Zeta, Doc Zeta 14. Les hangars d'un astroport n'ont rien en commun avec la conception que l'on se fait habituellement d'un hangar. En fait, quand on dit qu'un navire est en hangar, c'est qu'il est tout simplement rangé sous la surface, en sous-sol. Le sanguin n'est toutefois pas laissé sans protection, comme le prouve le puissant champ de force qui tient les curieux à l'écart. Mais cette précaution étant standard, j'ai apporté un perce-muraille qui, par le contre-champ qu'il génère, me permettra de franchir facilement le champ de force. D'abord, poser le perce-muraille devant le champ de force et l'enclencher. Ah, voici l'ouverture dans le champ de force. D'abord, y passer mon sac, puis ma personne. Voilà qui est fait, et pas sans mal, étroite l'ouverture. Et maintenant, voyons un peu ce yacht. Je peux me glisser dessous. Entre les étançons. Ah, voici ce que je cherchais. L'écoutille d'accès extérieur à la section moteur-propulseur. Ce sera plus discret que de tenter de passer par le sas principal. Un petit coup de décodeur. Et voilà. Il fait noir là-dedans. Je vais enclencher ma vision nocturne. C'est beaucoup mieux. Et maintenant, me hisser à bord. Ouais, évidemment, il me faudra ramper. Il n'y a jamais beaucoup d'espace de manœuvre dans cette section d'un vaisseau spatial. Mais là, ça frise le ridicule. Puisqu'il le faut... Le générateur d'appoint. En le coupant, j'aveugle totalement le système de sécurité du yacht. Je pourrais ainsi évoluer dans tout le navire sans plus m'inquiéter d'être détecté. À moins, bien sûr... On est posté un garde à bord, mais ça m'étonnerait. Ah, voici le sas qui me permettra de passer dans la section habitable du sanguin. Enfin. Ouf, mon pauvre dos. Quel bonheur de pouvoir me redresser. Si je ne m'abuse, les cabines dévolues aux passagers se trouvent dans cette direction. Mais avant tout, un petit coup de sondeur. Aucune trace de vie animale ou humaine à bord. Donc, pas de garde. Mais pas de fille du ministre non plus. Ça aurait été trop facile. Visitons les cabines, nous verrons bien. Par 007, patron des espions, j'ai visité 10 cabines et examiné toutes les literies, les installations sanitaires, pour glaner une pellicule de peau, un poil, un cheveu que j'ai placé dans un analyseur génétique, en vain. Pas la moindre trace de Tnarchalaval. Aurais-je fait fausse route? Pourtant, la piste mène bien jusqu'ici. Encore une cabine à inspecter, la dernière. Croisons tout ce qui se croise pour que ce soit la bonne. Le sondeur a trouvé quelque chose. Un bout d'ongle dans l'analyseur génétique. Eureka! Ce bout d'ongle a appartenu à la victime. C'est la preuve que Tnarchalaval a voyagé sur le sanguin. Prochaine étape, une visite officielle au propriétaire du yacht, le Contratula. Je suis curieux de savoir comment il expliquera la présence de la fille du ministre des Finances de Trajan sur son yacht. J'y suis, Gus. Pas plus tard, garçon. On dit de ces gueux oies qu'ils ont de malsaines habitudes alimentaires. Je serai sur mes gardes. Terminé. Une haute muraille semble cerner complètement la propriété du comte. Au sommet, deux gorilles armés arpentent ce qui paraît être un chemin de ronde. À cette distance, je ne vois pas le type d'arme qu'ils portent. Un mousquet ou un laser ? Ah, voici la porte. Imposante, métallique. Comment la franchir? Halte-là! Nom de Zeus, vous m'avez fait peur. Je ne vous avais pas remarqué, fichtrement bien camouflé, votre guérite. Qu'est-ce que vous voulez? Je viens voir monsieur le comte, j'ai rendez-vous. Mon nom est Strad, Les Strad. Voici ma carte. Faites entrer. Montez dans la voiturette avec mon collègue. La muraille cache un magnifique jardin. Un jardin truffé de caméras holo fixées aux arbres. Tiens, qu'est-ce que c'est que ça? Par 007, patron des espions. Propriété patrouillée par des chauves-souris espions. Qu'est-ce que le comte a donc à cacher pour s'entourer ainsi? Je ne serais pas plus étonné de découvrir des détecteurs de mouvement, des cellules photoélectriques infrarouges, des trappes extrasensibles. Celui ou celle qui déciderait de visiter la propriété du comte sans invitation risquerait d'avoir beaucoup de mal à en ressortir indemne. Joli coin! S'y adonne-t-on à la chasse? Aïe! C'est vrai qu'ils ont de longues canines, ces gueusois. J'ai soudain l'impression que je pourrais fort bien servir de gibier pour le genre de chasse que l'on pratique par ici. Oh! Nous débouchons du boisé. Là! Au centre d'une immense pelouse! Le manoir du comte Ratula. Crash! L'architecte devait être complètement fou. En façade seulement, 6 sortes d'arcs entourent les fenêtres. Si je me fie à leur disposition, l'édifice s'élève sur 3 étages. La façade est recouverte de pierres des champs. le toit pentu de tuiles goudronnées, semble-t-il, 3 cheminées en dépassent. Le moins qu'on l'on puisse dire, c'est que l'immense porte de 2 étages de haut, précédée par des arcs-boutants, ne passe pas inaperçue. Et que dire de ces tours médiévales, érigées de part et d'autre de la demeure, et qui se dressent à une 15aine de mètres dans les airs? Oh ! Le chemin fait un cercle devant le manoir. Un drôle de véhicule y est garé. Tout noir, sur roues, comme si les Geusois ne connaissaient pas la technologie des glisseurs. Muni de 6 portes aux vitres teintées de noir, impossible de voir à l'intérieur. Venez. Crash ! L'entrée du manoir est protégée par un champ de force. Visiteur. Oui, bien sûr. Veuillez entrer, je vous prie. Veuillez me suivre. Veuillez patienter ici. Monsieur le comte vous rejoindra sous peu. Hallucinant le décor. Ça donne le tournis. Allons plutôt faire un tour. Personne dans le couloir, allons-y mais prudence. Là, derrière cette porte, des bruits de voix. J'ai beau m'étirer l'oreille, je ne comprends pas un mot de ce qu'ils disent. Et si j'en trouverais la porte? Si je suis surpris, j'aurai toujours le loisir de raconter que je cherche les toilettes. L'astuce n'est pas originale, mais l'interlocuteur qui se la fait servir s'en trouve tout aussi désarçonné que jadis. Personne n'aime courir le risque de voir un grand noir pisser sur son beau plancher. Dès son arrivée sur Geuse, nous l'avons tenu sous surveillance, monsieur. Et vous l'avez perdu? Il a surpris notre homme en changeant du turbo en cours de route. C'est à croire qu'il se savait suivi. Où est-il à présent? À bord de son aviso. Il n'a pas bougé depuis qu'il est revenu de son excursion nocturne. Par double 07, c'est de moi dont parlent ces deux Olibrius. Oups, voilà quelqu'un. Vite réintégrer le petit salon. Ouf, de justesse. Le décor de cette pièce est toujours aussi étourdissant. Et ces masses noires et informes qui servent de fauteuils sont des plus dégoûtantes. Voyons plutôt ce que contient le buffet Vieille Terre Louis XVI. Je vois que vous avez trouvé ma réserve d'alcool. Crash. Décidément, mes facultés d'agent spécial ne valent pas grand-chose aujourd'hui. Ce type a pu se glisser derrière moi sans même éveiller ma méfiance. Je suis le comte Ratula, monsieur Strad. Soyez le bienvenu chez moi. Drôle d'accoutrement pour un comte. Une robe de chambre de fourrure rose qui lui descend à mi-cuisse, sur la tête un bonnet d'un vert criard et des bottes de cuir noir aux pieds. Pardonnez-moi, monsieur le comte, mais vous sortirai-je du lit ? Ce n'est rien, mon cher. C'est que j'ai des habitudes nocturnes. Puisque vous avez les bouteilles devant vous, servez-moi plutôt un Bloody Mary. Si vous m'exposiez le but exact de votre visite, mon cher... Vous vous en doutez sûrement. Je suis en mission officielle. Certes, mon cher, mais encore... Peut-être le savez-vous, la fille d'un ministre de Trajan a été enlevée. Je l'ignorais. Je le déplore, croyez-moi. Mais en quoi cela me concerne-t-il ? Elle a été kidnappée à bord de votre yacht, monsieur. Non. Si ! Les éditions de l'avenir vous ont présenté le 3e épisode de l'Estrade agent très spécial de Christian Martin, Le Sanguin, avec Christophe dans le rôle de l'Estrade, Kael dans le rôle de Gus, Fred dans le rôle de Brunierhead, Ezwa dans le rôle de Antasaïli, Michael Cadillac dans le rôle de Yashim Brezhnev, Jay dans le rôle de l'employé de l'astroport de Geuse, K00 dans la voix du Turbo, Silverson dans le rôle du garde de la guérite, Christophe Hubert dans le rôle du majordome du comte, Blast dans le rôle du chauffeur de la voiturette, Aldor dans le rôle du comte Ratula et Stanley dans le rôle de Chapeau Mou. Dans le prochain épisode, le comte parviendra-t-il à expliquer la présence de Snarch Laval à bord de son yacht? Ne manquez pas nos précédentes productions et celles en cours. Visitez l'aveniraudio.canalblog.com. L'histoire et les personnages appartiennent à leur auteur et sont protégés par copyright. Cet enregistrement est diffusé sous licence Creative Commons et est une production 2010 des éditions de l'Avenir. Votre présentateur, Christian Martin. Merci de votre attention. À bientôt.